Bon, bonjour à tous. Alors, il est 17h, donc comme prévu, nous allons commencer notre conférence téléphonique sur Échiquier Agresseur. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Frédéric Buzaret, gérant d'Échiquier Agresseur. Merci Frédéric d'être avec nous. On va donc passer 30 minutes ensemble pour faire le point sur Agresseur et puis aussi se projeter un peu sur les mois qui viennent. Bon, je vais peut-être commencer par une question sur la performance. Est-ce qu'on peut en parler ? Je dirais, qu'est-ce qui s'est passé cette année et puis qu'est-ce qui s'est passé peut-être cet été ? Bien sûr. Alors je dirais que le fonds a connu deux périodes depuis le début de l'année. La première qui s'est écoulée jusqu'au début du mois de mai, au cours de laquelle le fonds a très bien performé. Et la décision le dimanche après-midi de Trump de relancer la guerre commerciale nous a pris par surprise, comme je pense beaucoup d'investisseurs. Oui, je pense tout. Et donc le fonds a connu un passage à vide essentiellement au mois de mai parce que en fait on a eu une semaine difficile dans laquelle beaucoup de choses un petit peu bizarres se sont produites où des titres qui étaient a priori pas censés être liés à la guerre commerciale ont été impactés, des titres comme Fresenius, comme SPI. Et donc depuis le mois de juin, le fonds remonte. Je dirais que le contexte de marché était extrêmement spécial, puisque le marché était très polarisé entre une poignée de titres qu'on appelle croissance visible ou croissance stable, la quintessence étant Nestlé. Et il faut peut-être rappeler que Agresseur est un fonds multistyle et que cette année, jusqu'à présent, est extrêmement favorable aux valeurs de croissance. Et qu'Agresseur est un fonds qui est pas un fonds de croissance, c'est un fonds qui peut faire des valeurs de croissance, qui était en train de faire une rotation de style quand le tweet de Trump est arrivé et que cette période, encore une fois, est extrêmement atypique. Nous avons été surpris par l'ampleur et la nature de la réaction des investisseurs au redémarrage de la guerre commerciale. Nous pensions que les marchés allaient baisser et au contraire, les marchés ont monté, mais encore une fois, sur un nombre très limité de valeurs et de secteurs qui sont essentiellement la pharmacie, la santé, les valeurs de services publics et l'agroalimentaire. Alors oui, alors la guerre commerciale, le feuilleton a continué tout l'été, d'ailleurs il continue je pense. Pourtant l'été n'a pas été si mauvais que ça pour Agresseur, donc qu'est-ce que tu retiens de cet été ? Ce que je retiens de cet été, c'est un marché très volatile, qui a eu tendance à bouger encore une fois sur les effets d'annonce liés à la guerre commerciale, et on voit qu'il y a des rebondissements, que ces rebondissements... on peut les envisager, mais leur timing est de plus en plus compliqué et que ce marché pousse à être très tactique. Il faut à la fois être stratégique, de savoir où on va, mais qu'on est capable de voir les indices décrocher ou monter de 3 à 5% en fonction des échanges entre la Chine et les États-Unis et que ce marché volatile qu'on a eu en juillet-août, on risque de le voir encore, on en parlera par la suite, de l'avoir encore pendant un certain temps. Alors, volatilité, effectivement. Et si on regarde plus particulièrement sur l'été, quels sont les dossiers qui ont bien performé, finalement, et les dossiers qui ont pénalisé la performance du fonds, même si, encore une fois, elle est plutôt satisfaisante sur l'été. Tout à fait. En fait, on a eu des bonnes nouvelles sur un certain nombre de gros paris dans le portefeuille. Le premier pari, c'est Vodafone, qui est un titre qui a eu un parcours un peu compliqué depuis qu'on l'avait acheté, mais sur lequel on s'est accroché, qu'on a renforcé. C'est aujourd'hui le premier pari du portefeuille. Vodafone a enfin rappelé aux investisseurs à quel point le management était capable de prendre des décisions stratégiques créatrices de valeur, à savoir la vente de son actif était Tours. Le marché avait oublié que Vodafone était le plus gros acteur du marché des Tours en Europe. AB InBev a vendu son activité de bière en Australie pour un prix très élevé. Donc bonne surprise aussi sur AB InBev. Voilà, qu'on a allégé un petit peu sur son rebond, car là aussi c'était devenu un très gros poids dans le portefeuille. On a eu une OPA sur une société anglaise qui s'appelle Cobham, qu'on avait acheté fin juin, qui a été racheté avec 60% de prime par le fonds de private equity Advent. Et enfin, Convatec, qui était aussi un titre situation spéciale qu'on avait acheté à la fin de l'année 2018, a publié des chiffres extrêmement rassurants alors que le marché était très pessimiste et le titre a bondi sur ces chiffres de 25%. Donc des investissements très contrariants finalement qui ont été payants pendant cette période un peu spécifique de l'été. Tout à fait. Des investissements qui correspondent à l'ADN d'Agresseur, qui est un fonds contrariant opportuniste et parfois, il faut accepter qu'un investissement et une approche contrariante mettent un peu de temps à fonctionner. Clairement, le marché n'a absolument pas été contrariant entre le mois de mai et le mois d'août, mais on voit que lorsque le marché ne le reconnaît pas, au bout d'un certain temps, la société prend des décisions nécessaires ou d'autres investisseurs, comme les private equity, le font. A contrario, on a eu trois déceptions. On a eu Lagardère, qui avait pourtant sorti des bons chiffres au premier trimestre, au second trimestre, qui a redonné tous ses gains pour revenir sur les plus bas. EDF n'a pas... Lagardère, c'est dans le fond depuis combien de temps ? On l'a acheté à la fin de l'année 2018. D'accord. Le titre avait commencé à plutôt bien marcher et objectivement, on a été assez surpris et déçus du mauvais comportement du titre au cours de cet été. On est en train de refaire le point sur ce dossier qui nous apparaît clairement sous-évalué. EDF n'a pas joué son rôle défensif. J'ai cité le secteur des valeurs de services publics en introduction comme étant un très bon secteur en termes de performance depuis le début de l'année. Il y a des exceptions et EDF en fait partie, car c'est vrai que c'est un dossier compliqué et qui n'est pas un dossier régulé comme peut l'être Iberdrola ou Enel. Et la véritable déception, j'en parlerai, on a une très très forte sous-exposition aux valeurs bancaires dans Agressor. On a conservé une seule banque, qui était pour nous une situation complètement spécifique. C'est la première banque irlandaise, Allied Irish Bank, qui est une des banques européennes les plus profitables et les mieux capitalisées, avec un core tier 1 de 17,3%. Mais l'arrivée au pouvoir de Boris Johnson a renforcé les craintes d'un Brexit dur, et les valeurs bancaires irlandaises on en subit les conséquences. Le titre n'est pas forcément très liquide. La banque est détenue à 71% par l'État irlandais, donc le flottant est faible. Et ce titre, qui avait très bien tenu dans le secteur bancaire jusqu'au mois de juillet, s'est littéralement effondré de plus de 35% au mois d'août. Et donc à pénaliser la performance et en tout cas à compenser les bénéfices qui venaient de la sous-exposition très forte au secteur bancaire. Alors qu'est-ce que vous avez fait après sur ces différents titres ? Est-ce que finalement tu as renforcé, vendu ? Donc dans les principaux contributeurs positifs, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a plus beaucoup de potentiel d'appréciation sur AB InBev, donc on l'a vendu pratiquement proche des plus hauts. On garde Vodafone et Convatec parce qu'on estime que ce sont des dossiers qui conservent un potentiel d'appréciation significatif, qui sont plutôt des activités défensives, des sociétés qui font leurs bénéfices en dehors du Royaume-Uni, donc qui ne sont pas menacées par le Brexit. Et Allied Irish Bank et Lagardère, on est en train de regarder sur quel niveau on va renforcer ces titres. On y reviendra sur le Brexit, mais les nouvelles vont être intenses et qu'on estime qu'au cours actuel d'Allied Irish Bank, le marché a déjà anticipé une grosse, grosse récession pour l'économie irlandaise qui est loin d'être certaine pour les prochains mois. Et encore une fois, c'est une des banques les mieux capitalisées en Europe dont la profitabilité n'est pas liée à l'avenir de la courbe des taux, elle est liée au fait que le bilan se normalise. Tout le monde est au courant que l'Irlande a eu des grosses difficultés et que les banques irlandaises aujourd'hui sont clairement beaucoup mieux gérées en termes de contrôle de risque. Alors, tu as évoqué la guerre commerciale, effectivement, ça a été un des éléments, je pense, forts de cet été. Il y a aussi eu un autre, je pense, mouvement de marché qui a été très très important, c'est la baisse des taux. Est-ce que ce changement a été pris en compte dans ta politique de gestion ou dans votre politique de gestion, puisque tu ne travailles pas seul sur le fond, et de quelle façon ? Tu as raison, Pierre. Je crois que la baisse des taux longs sur des niveaux sans précédent est un phénomène majeur qui remet en cause beaucoup de repères. On voit que le marché cherche des nouveaux repères et ce niveau de taux long remet en cause des certitudes et remet en cause des principes fondamentaux de la gestion qui ont pendant très longue période relativement bien marché, comme le retour à la moyenne, comme le fait qu'à certains niveaux de valorisation des titres rebondissaient. Donc quand on a vu que la guerre commerciale s'intensifiait, que l'économie se dégradait, on a pris la décision, on était neutre sur les banques. On avait déjà vendu une partie des banques au mois d'avril. On avait une position sur Lloyd's qu'on a vendu avec un beau profit. On a vendu toute notre exposition bancaire et financière avec Prudential pour ne garder que à la Irish Bank et une position dans Crédit Suisse qui est en fait de la gestion d'actifs et gestion de fortune. Donc aujourd'hui, le portefeuille est très sous-exposé aux banques. On n'a pas envie d'y revenir. On considère que les taux longs vont rester durablement déprimés. Les banques centrales ne peuvent pas se permettre un gros rebond des taux d'intérêt. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça nous encourage à rester à l'écart d'un certain nombre de secteurs dont le comportement boursier est trop binaire et lié au taux long. C'est-à-dire que Agresseur est un fonds contrariant opportuniste qui ne s'interdit rien à partir du moment où on sait les valoriser. Et on voit bien que des secteurs très décotés, comme l'automobile, comme les médias, comme la distribution, qui font l'objet de grandes disruptions, sont trop liés au taux. Donc on essaye, dans la mesure du possible, de trouver des titres qui ne correspondent pas à un jeu d'anticipation sur les taux longs. On avait au début de l'année un scénario qui était qu'on allait connaître à peu près une répétition de ce que les marchés ont vu en 2016. Forte baisse. Je me rappelle notre réunion de rentrée. Forte baisse des indices liés à des craintes de croissance globale, intervention des banques centrales, assouplissement monétaire et reprise. On a vu que ce scénario était valide et marchait très bien jusqu'au mois de mai. Il a été remis en cause par la guerre commerciale. Et on voit que ce scénario peut continuer d'être valable parce que les indicateurs avancés sont revenus sur les niveaux de 2016 où ils avaient rebondi. Par contre, la grande différence par rapport à 2016, c'est que les taux longs ont fait des nouveaux plus bas et ont enfoncé les plus bas de 2016, notamment en Europe, et que la guerre commerciale, comme l'a dit la Réserve fédérale américaine, c'est quelque chose d'inédit et qui brouille, encore une fois, les messages qu'on voit à l'économie. Et donc, ça nous amène à avoir une exposition cyclique qui est inférieure à celle qu'on aurait eue, par exemple, en 2016. Bon, on y reviendra, mais il y a quelque chose dont j'aimerais bien parler, c'est de la mobilité, parce que cet été a été aussi marqué par une très forte mobilité sur le niveau d'exposition action, en fait, du fonds échiquier agresseur. Est-ce que tu peux en dire un peu plus ? Oui, la mobilité, c'est un axe essentiel de la gestion d'agresseur. Ça fait vraiment partie intégrante de son ADN. Le prospectus nous autorise à être exposé aux actions à hauteur de 60%. Et donc, c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a descendu radicalement l'exposition action en vendant 35% de futurs à la fin du mois de mai et en faisant également du cash. Et donc on a pratiquement atteint le bas de la fourchette qui est autorisée par le prospectus. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a vendu des futurs Eurostock 50. Alors pourquoi ? Parce que premièrement, c'est le futur le plus liquide et donc on peut très vite les racheter. On est très confiant sur les titres qu'on a en portefeuille. On a eu au mois de juin une opération de rachat sur Altran. On a eu un achat également sur Merlin, plus Coban. Donc on a eu trois OPA en l'espace de deux mois, en juin, juillet. Donc quoi, le contrarian, c'est aussi la détection de très belles opportunités d'investissement. Et on est confiant qu'il y en aura d'autres. Et donc, on n'avait pas envie de complètement déstructurer notre portefeuille. C'est-à-dire qu'on est capable, comme je l'ai dit, sur AB InBev, de réduire notre exposition. On a aussi fait du trading sur Sopra. Mais pour vraiment faire une différence dans un marché qui peut être amené à avoir des gros trous d'air, c'est les futurs. Ça permet de conserver une structure de portefeuille, des titres dans lesquels on croit, et de pouvoir rapidement lever cette couverture. On voit bien que l'Eurostock 50 est dans un corridor depuis un certain temps. On est convaincu que le potentiel d'appréciation, toutes choses étant égales par ailleurs, jusqu'à nouvel ordre, est limité sur les grands indices. On voit bien qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur l'avenir de l'économie mondiale, mais on voit aussi que les banques centrales sont là, que les gouvernements sont prêts à faire éventuellement de la relance fiscale, et que donc, de toute façon, le marché a peur, mais ne voit pas non plus de gros potentiel de baisse. Et donc, nous, on essaye de profiter de cette volatilité créée par les tweets du président américain pour faire varier notre exposition action. Et donc, on a racheté cette couverture au mois d'août, dans la deuxième vague de baisse. Si vous vous souvenez, une première vague de baisse au mois de juin et une deuxième vague au mois d'août, sur cette deuxième vague, on a racheté l'intégralité de nos futurs, on a investi notre cash, et quand on a vu que le dollar commençait à fortement se renforcer, que le président américain maintenant a ouvertement critiqué la faiblesse de l'euro vendredi dernier, on a réinitialisé une position de futur, mais plus modeste cette fois-ci, de 12%. Donc aujourd'hui, il y a une protection sur le portefeuille, une couverture en fait, hein, de 12%. Voilà, le portefeuille est aujourd'hui investi à 88%. Et quel a été le résultat de cette politique de couverture? Est-ce que ça a été finalement gagnant pour nos porteurs? Ça a été gagnant, on a fait un profit en absolu, et on peut le voir sur la performance du mois d'août, puisque le fonds a surperformé au cours du mois d'août, qui est en fait la période pendant laquelle les indices ont baissé. Et donc on avait dégagé un profit qui est substantiel sur la couverture. Donc votre attention particulière en fait à la situation, je dirais, de marché, vous mène à être extrêmement mobile, je pense, sur les périodes à venir, et ça a démarré cet été avec une utilisation de couverture qui est un peu nouvelle au sein de la gestion d'échiquier agresseur. Et c'est probablement quelque chose que tu apportes en te chargeant et en étant responsable de la gestion d'échiquier agresseur. Il y a peut-être juste un point, parce qu'on a pas mal parlé d'exposition, je dirais, en termes sectoriels. En termes de capitalisation, est-ce que tu veux dire quelque chose? Est-ce qu'aujourd'hui le fonds est plus exposé, large cap, small cap? Alors, depuis mon arrivée, on a vraiment diversifié le portefeuille d'un point de vue géographique, d'un point de vue sectoriel et de capitalisation boursière, tout en restant concentré. J'insiste sur ce point, c'est qu'on peut avoir un fonds très concentré en nombre de positions. On a aujourd'hui 38 positions dans Agressor. On cherche à en avoir entre 30 et 40, mais on peut très bien avoir deux secteurs, comme on a avoir 10, mais le même nombre de positions. On a en fait dans le portefeuille aussi bien des grandes capitalisations, comme Vodafone, qui est aujourd'hui la première position du fonds, et AB InBev était la première jusqu'à la fin du mois de juillet. Mais la partie vraiment, aujourd'hui, si on te regarde, la taille moyenne de la valeur boursière des titres qui sont dans Agressor, c'est 15 milliards. Je pense qu'on sera structurellement sous-pondéré, sous-exposé aux très grandes capitalisations, parce que c'est aussi pour ça qu'on vend l'Eurostock 50 quand on veut se couvrir, parce que c'est très difficile de trouver des histoires spécifiques dans les 30 très grandes capitalisations. Par contre, on a beaucoup d'histoires spécifiques dans entre 5 et 15 milliards. C'est là où on voit le plus d'opportunités. Mais, encore une fois, AB InBev, si on m'avait posé la question en 2016, je ne suis pas certain que j'aurais considéré, si j'avais été en charge de la gestion agresseur, d'investir dans cette entreprise. Je trouvais que fin 2018, cette entreprise avait vraiment connu un parcours boursier affreux depuis deux ans, et je voyais de la valeur commencer à émerger. Donc on a des titres, la plus petite valeur en termes de capitalisation boursière, c'est Europcar, qui est à 900 millions, et ça va jusqu'à 150 milliards pour AB InBev. D'accord, donc en fait tu couvres bien, et enfin je dirais ça répond à la définition du fonds, hein, multicapitalisation, multistyle. Quant à l'exposition pays, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses à signaler? Je pense que le fait notable, c'est la réduction du poids de la France, qui reste toujours un point important, puisqu'aujourd'hui on a 37% du portefeuille exposé à la France, qui est un poids qui a baissé depuis le changement de gestion, mais qui reste important parce qu'en fait on a fait beaucoup de changements au sein du compartiment français. Et on vient de regarder des très gros paris sur des valeurs comme SPI. On a eu une OPA sur Altran. Je pense que l'autre changement, c'est le fait d'avoir pratiquement une exposition dans beaucoup de pays en dehors de la zone euro, comme la Suisse, comme le Royaume-Uni, comme la Norvège, d'être sous-exposé au marché allemand. L'Angleterre, il faut le rappeler, je suis certain qu'on en parlera. Oui, on va parler un peu de la Grande-Bretagne, parce que c'est vrai qu'une des caractéristiques d'échiquier agresseur, c'est finalement une position qui est de combien exactement? On est aujourd'hui, on est à peu près en ligne avec l'indice, à savoir 25%. Alors, on est en plein Brexit, est-ce que c'est un risque, est-ce que c'est une opportunité? Pourquoi avoir autant de Grande-Bretagne, en fait, aujourd'hui? Alors, je pense qu'il faut déjà rappeler que l'Angleterre est le premier pays dans les indices boursiers européens, même si le poids a baissé depuis 3 ans. C'est un marché très vaste, extrêmement diversifié. On peut trouver de tout au Royaume-Uni, alors que ce n'est pas forcément le cas dans d'autres pays européens. Tous les secteurs sont cotés. On voit bien depuis plusieurs semaines qu'il y a beaucoup d'offres de rachat de sociétés cotées. On en a eu deux, Merlin et Cobham. La semaine dernière, on en a vu 3. On a vu que l'homme le plus riche de Hong Kong, Li Ka-shi, a racheté le plus grand réseau de pubs anglais, Greene King. Et parce qu'en Angleterre, vous avez un marché à deux vitesses. Vous avez des sociétés qui sont des sociétés internationales, qui font leurs bénéfices en dehors du Royaume-Uni, et d'autres qui sont plus domestiques. Et que c'est souvent un marché vu comme étant compliqué, qui est un marché que je connais bien. Et on a détecté un certain nombre d'investissements. J'ai mentionné Convatec ou Vodafone, qui sont des sociétés qui n'ont rien à voir avec l'économie britannique. On a acheté une mine d'or et d'argent qui s'appelle Fresnillo. Donc il y a de belles opportunités liées en fait à la situation un peu spécifique. Tout à fait. Alors j'aurais aimé te faire parler longuement sur le Brexit, parce que je pense que s'il y a un expert au sein de l'équipe sur ce qui se passe en Grande-Bretagne, c'est bien toi. Mais est-ce que en 2 minutes, tu peux me faire un point? Je sais que c'est un peu ambitieux, mais sur ce qui va se passer en fait, d'après toi. On voit que Boris Johnson est dans une position politique précaire. Il a perdu sa majorité au Parlement, qui était déjà faible, et qu'il y a beaucoup de bluff dans ce qu'il veut faire. Il n'a pas beaucoup de cartes en jeu pour négocier avec l'Union européenne. La seule carte qu'il a, c'est de menacer d'un hard Brexit, parce qu'il sait que les Européens savent que ça aurait des conséquences négatives, surtout économiquement, surtout dans le contexte actuel. Et les Européens savent qu'il n'a pas de majorité. Donc, pour moi, le risque de hard Brexit a augmenté. Le meilleur moyen de le juger, c'est pour le comportement de la livre sterling, qui incorpore à peu près une probabilité de 40% d'un hard Brexit. Je suis convaincu qu'on aura un soft Brexit. C'est pour ça que le Brexit est à la fois un risque et une opportunité. Mais que le marché, on l'a vu, a sous-estimé pas mal de rebondissements sur ce feuilleton, et que si les investisseurs ont eu du mal à gérer la guerre commerciale, on aura autant de rebondissements avec le Brexit. Il faut aussi préciser que les investisseurs sont massivement sous-exposés aux valeurs britanniques, massivement sous-pondérés à la livre sterling, et on peut s'attendre à beaucoup de volatilité sur cette classe d'actifs dans les prochaines semaines en fonction des nouvelles. Il y aura beaucoup, beaucoup de nouvelles sur ce point. Le message, c'est de dire que le marché a déjà pricé pas mal de mauvaises nouvelles. Il ne faut rien exclure, mais on a vu qu'on pouvait avoir des surprises. Les surprises, elles marchent des deux côtés. On n'a pas d'exposition sur l'économie domestique britannique. D'accord. Mais pour un stock picker, tu dis que sur des sociétés internationales, finalement, il y a des valorisations qui deviennent très attractives, puisque finalement, c'est un marché qui est délaissé. Alors, le temps passe très vite. Je suis désolé de te dire qu'il ne nous reste plus que 7 minutes, si on essaie de respecter les 30 minutes qu'on s'est données. Alors, je vais essayer de parler très vite. J'ai plusieurs questions de mise en perspective, en fait. Déjà, j'en ai une, peut-être, qui est intermédiaire. Parle-moi de Didier Lemenestrel, puisqu'il il a toujours dit qu'il continuera à s'intéresser à Échiquier Agressor. Alors, quel est son rôle? J'ai vu Didier hier soir, longuement. On se voit en général officiellement une fois tous les 15 jours, mais on est en phase d'échange régulier, soit par SMS ou par email. L'idée, c'est d'avoir un sparring partner avec lequel j'échange de façon intense sur le marché, sur les stocks. Il joue un peu le rôle de la mouche du coche, et ça m'oblige à être le plus convaincant possible et à éviter de m'enfermer dans le biais de confirmation. Donc il n'a pas disparu, il est toujours présent d'une certaine façon au sein de l'équipe de gestion d'Échiquier Agressor, comme il nous l'avait promis, et c'est une bonne nouvelle. Alors la mise en perspective, il ne nous reste plus tant de temps que ça, mais on va quand même en parler. Je dirais peut-être, est-ce que tu peux partager quelques convictions avec nous? Alors tu as beaucoup parlé de Vodafone en nous disant que c'était ta première position. Peut-être quelles sont les deuxièmes et troisièmes positions aujourd'hui dans le fond, et pourquoi ce sont des positions importantes? Alors je citerai deux titres qui sont des valeurs de taille moyenne et des valeurs françaises, pour montrer qu'on n'oublie pas la France même si le poids a diminué, qui sont SPIE et Elior. Ces deux valeurs ont un point commun, et c'est quelque chose qu'on recherche dans le portefeuille. C'est des sociétés qui ont amélioré leur modèle économique au cours des derniers mois, des dernières années. Et ça veut dire à la fois d'avoir amélioré leur structure financière, amélioré leur gestion, leur génération de cash ou de rentabilité de capital employé. SPI, c'est une société qui a eu un parcours boursier un peu difficile. La transition entre le private equity et le marché coté a été compliquée. C'est typiquement une société qui n'est pas exposée à la guerre commerciale, qui est une société qui est exposée à l'économie domestique de la zone euro, qui fait une croissance régulière de son chiffre d'affaires, avec des marges en légère amélioration, mais surtout qui génère beaucoup de cash et qui est un consolidateur dans une industrie très fragmentée, qui bénéficie de tendances structurellement positives comme la transition énergétique et qui potentiellement peut intéresser de nouveau des fonds de private equity. C'est aussi un point commun qui existe avec Elior. Elior aussi a été un parcours boursier très compliqué. C'était un peu un animal hybride entre SSP et Compass. Je rappelle que Elior avait deux activités, concession aéroportuaire et d'autoroute et restauration collective, avec un bilan qui était tendu. La société a décidé et a réussi à vendre son activité de concession à PAI au mois de juillet pour se recentrer sur la restauration collective. Et en fait, c'est un métier qui est un métier, il y a aussi des défis, mais qui est un métier qui dégage du cash relativement défensif, et le titre aujourd'hui se paye avec une forte décote, et on considère que ce sont des titres qui doivent tirer leur épingle du jeu dans un environnement économique qui va rester incertain. Le message, c'est qu'on a gardé deux, trois situations cycliques très spécifiques qui sont CNH et Thyssen. On n'en rajoute pas d'autres. Notre idée n'est pas de rajouter de l'acier, de l'automobile, parce que l'économie va rester compliquée, mais on suit de ça de près pour éventuellement changer notre point de vue. Ce sont des sociétés, avant tout, de ne pas commencer sur l'angle de valorisation. On voit que, sans aller vers des logiques value, que le marché n'accorde pas forcément assez d'importance à la valorisation. Il regarde avant tout la visibilité et la génération de cash. Donc nous, notre point de départ, quand on recherche des nouvelles idées, c'est de regarder des sociétés qui ont fondamentalement améliorer leur modèle économique au cours du passé récent. Alors, deux sociétés françaises, peut-être juste un nom d'une société étrangère. Donc, on a gardé un gros pari sur AB InBev, hein, c'est Vodafone, AB InBev, Elior, Convatec, tout ça se tiennent dans un mouchoir de poche. En termes de quoi de poids dans le portefeuille. En termes de poids dans le portefeuille. Je parle entre 4,5 et 5,5%. AB InBev est le leader mondial de la bière. La société avait pas mal augmenté sa dette financière à la suite du rachat de SAB en 2016, qui était extrêmement complémentaire d'un point de vue géographique et d'un point de vue produit, parce que SAB est présent avec des marques locales, alors que AB InBev a des marques globales. Le marché de la bière reste en croissance dans les pays émergents. Dans les pays européens et occidentaux, c'est plus une logique de premiumisation. Et il y a aussi une histoire sur la bière sans alcool, parce que AB InBev a développé déjà une activité de bière sans alcool qui augmente très fortement et qui génère des marges plus élevées parce qu'il n'y a pas de taxes sur cette catégorie. On a aujourd'hui un sous-exposition sur les valeurs de consommation non durable. On avait un très beau pari qui a très bien marché sur Essity. On trouve que la polarisation du marché est devenue tellement extrême que donc sur les chiffres de AB InBev, quand le titre a fortement remonté, on a allégé un peu. On a vendu tout Essity. Et donc, on a aujourd'hui considéré que le marché était trop binaire et qu'on ne voulait pas participer à cette logique qui était trop momentum. Donc pour essayer de résumer tout ça, même si c'est bien sûr trop court et j'aurais préféré qu'on se donne beaucoup plus de temps, et je pense ceux qui nous écoutent aussi, mais je dirais donc toujours cette approche en fait multistyle hein, qui permet d'associer finalement des dossiers contrariants qui sont à des valorisations intéressantes avec des cash flows visibles, hein, tu en as parlé, avec des dossiers qui sont des dossiers peut-être plus importants de croissance. Peut-être un peu plus visible. Et donc, cet équilibre, en fait, en plusieurs styles qui permet de faire face à de nombreux environnements de marché. Hein. Parce que c'est vrai qu'on en parlait avant de commencer cette conférence. En fait, on est aujourd'hui sur un marché qui a finalement été assez monothématique. Oui, je pense que c'est un euphémisme. Le marché était vraiment monothématique sur un nombre limité de secteurs et de valeurs. Je pense que Agressor aujourd'hui a un très gros potentiel de rebond avec deux grands moteurs qui sont des situations complètement atypiques, des sociétés qui n'obéissent pas à une logique sur l'économie mondiale. Deuxièmement, des sociétés complètement décorrélées comme Fresnillo. Et troisièmement, un environnement de marché qui va peut-être devenir plus équilibré. On ne sait pas où on va aller les taux longs, mais on voit que le marché obligataire a déjà anticipé un scénario extrêmement négatif. Il faut voir comment ça reflète comme anticipation des taux longs à moins 70 points de base. Et que toute normalisation du contexte marché, ou tout calme qui reviendrait sur le marché obligataire se traduirait par des gains significatifs pour Agressor. Et je finirai encore une fois en insistant qu'on a beaucoup de sociétés. On a déjà eu trois titres qui ont fait l'objet d'une OPA. Et on est convaincu qu'on en a plusieurs en portefeuille qui devraient connaître le même sort. Et enfin, on a bien vu que jusque début mai, dans un contexte de marché qui était déjà difficile, mais qui était un peu plus équilibré, le portefeuille avait une très belle performance, et on pense que d'ici la fin de l'année, on va revenir sur ce niveau. Bon, Frédéric, je pense que ça c'est probablement ce qu'on peut appeler une très belle conclusion. On n'a pas reçu beaucoup de questions, à part une que j'ai posée dans le corps de cet entretien. Je vous remercie pour votre attention, et puis à très bientôt, puisque notre prochaine conférence téléphonique sera sur Échiquier Arti. Merci à tous, et puis à bientôt.